Parloir, première série. Ok. Moi qui nage parce que c'est mon premier jour de parloir. Les bouchons du matin ne les mettront pas en retard. J'ai cette grosse peine à purger en récidive. Me voilà solitaire dans la froideur d'une cellule vide. Deux jours plus tôt, entendu par la police. Ils vont écouter mes voix sur tes écoutes et les faux hits. Empreinte, prolique, placard à vie. Maintenant la brique nous sépare, rongée par des larmes acides. Mais j'évite les assises, pourtant mes lèvres sont scellées. Ta justice m'impose les limites de ma liberté. Ça sert à rien d'y berner, c'est toi qui te fais berner. Fin de parloir, LHSS ose venir ricaner. Bientôt mon tour à la fouille, sap neuf dans le sac. Baisse ton caleçon, donne-le, quelle parole de Dixa. C'est le calvaire du maléfice carcéral. Entre les séries de pompes, les tractions sous la barre. J'entends la nuit, les bruits sourds de la dépression. Les frères sous cacheton qui succombent à la pression. Rongé par le regret, sors-moi un livre de cul et je te trompe ma solitude au poignet. Parloir sauvage par la fenêtre pour parler avec les potes. Un voyage vers l'enfer de l'âme pour rencontrer la discorde. Une vie dans le feu qui nous a brûlés au troisième degré. Cloué dans un box, c'est la grosse peine de force et de gré. Une pensée sincère pour ceux de l'autre côté. On est à demi-mort. Pour la société, je compte le nombre de morts qu'il y a dans nos quartiers, le nombre de suicidés dans nos pénitenciers. Une pensée sincère pour ceux de l'autre côté, on est à demi-mort. Pour la société, je compte le nombre de morts qu'il y a dans nos quartiers, le nombre de suicidés dans nos pénitenciers. Le vague maître passé, le vague à l'âme cesse. Les bonnes nouvelles dans les courriers, ça rend toujours gay. Ce connard vient de sortir du coma. En plus, mon mandat dépôt se termine dans 2 mois. Je sens les portes du pénitencier qui vont s'ouvrir. Les bâtards qui m'ont chargé dans l'histoire vont souffrir. Un coup de fil au portable pour annoncer la nouvelle à ma fille, à ma femme et à nos amis fraternels. Donc bientôt libérable, j'attends mon parloir avocat. Y'a plus qui puisse me rassurer et me donner une date. J'ai rien connu de plus grave en espérant qu'il sort. Étouffant loin de son quai, j'ai de pensées si fortes que la zermise, quoi. Eh, hey, parlons avocat. Ouais. Bonjour. Alors, c'est quoi? Je suis désolé, madame la juge veille à ce que vos mois deviennent des années. Votre affaire a des symptômes qu'ils veulent ramener à la lumière en vous maintenant à l'ombre, soi-disant. Faut dire que votre refus de dénoncer vos complices complique les choses, mais j'approuve et comprends. Pourvu qu'ils soient reconnaissants, car c'est votre loyauté qui transforme vos espoirs en déception. Ils ont kidnappé votre temps pour que vous passiez votre temps à attendre. Après le temps, attention, parce que le temps prendra son temps. Soyez braves, rappelez-vous qu'ils veulent tuer votre révolution. Une pensée sincère pour ceux de l'autre côté. On est à demi-mort pour la société. Je compte le nombre de morts qu'il y a dans nos quartiers, le nombre de suicidés dans nos pénitenciers. Une pensée sincère pour ceux de l'autre côté. On est à demi-mort pour la société. Je compte le nombre de morts qu'il y a dans nos quartiers, le nombre de suicidés dans nos pénitenciers. Parloir avocat décevant. Ce magistrat m'a vraiment coupé les jambes. Me voilà sans espoir, peut-être parti pour 10 ans. On disait au Tchekar que j'étais malin soi-disant. Mais je morfle loin des miens, j'ai plus de force frère. J'ai la signature comportementale suicidaire. Mécontent du verdict, je cherche à faire une bagarre. Je tombe seul en promenade et je suis devenu peu bavard. Plus que déçu, je dirais désabusé. Moi j'ai tout perdu et je suis à 2 doigts d'exploser. Bref, pour une fois me voilà seul dans ma triplée. J'ai moyen de me laisser pousser des ailes sans me faire crier. Une pensée sincère pour ceux de l'autre côté. On est à demi-mort pour la société. Je compte plus le nombre de morts qu'il y a dans nos quartiers, le nombre de suicidés dans nos pénitenciers. Une pensée sincère pour ceux de l'autre côté. On est à demi-mort pour la société. Je compte plus le nombre de morts qu'il y a dans nos quartiers, le nombre de suicidés dans nos pénitenciers. Une pensée sincère pour ceux de l'autre côté. Je compte plus le nombre de morts qu'il y a dans nos quartiers. Une pensée sincère pour ceux de l'autre côté. le nombre de suicidés.